vie douce. Vivre avec toi dans la clarté de mes 20 ans et trouver encore la source d'où jaillissent les printemps. Descendu parmi la ville, gonflé d'amour et de bonheur à partager. Mais mon âme est moins tranquille depuis que j'ai tout quitté. Trouver la vie douce, vivre avec toi dans la clarté de mes 20 ans et trouver encore la source d'où jaillissent les printemps. Tu connaîtras près du torrent mon cœur d'enfant dans le silence des sapins blancs. Ils sont de retour et ils en profitent pour venir s'adjuger la première place de la cerise sur le canton numéro 49, les trois cafés gourmands, avec cette chanson « Comme des enfants ». C'est notre plus belle chance, c'est notre victoire. Il est loin derrière le jour de notre départ. Il était possible un temps de se projeter. J'aimerais qu'on soit unis à l'arrivée. Je suis sûr qu'il y a la joie, la bonne humeur. J'imagine au fond de moi les cris du cœur. Y'a les claps, y'a les sifflets qui nous rassemblent. J'en ai les oreilles bouchées tellement ça tremble. Laissez-nous y croire comme des enfants. Innocemment, et graver dans nos mémoires ce bout de temps. Si on ne peut rien prévoir, stigmates sur nos visages que l'on effaçait. Nos espoirs et le courage de tout dépasser. Les plus belles romances qu'on ait imaginées. Et si simplement ce soir vous aviez tout changé. Mais que vive la musique de nos unions et le souffle de nos corps en émotion. Et les scènes que l'on partage avec passion. Il est bon de ressentir ce doux frisson. Laissez-nous y croire comme des enfants et rêver à notre histoire innocemment. Et graver dans nos mémoires ce bout de temps. Si on ne peut rien prévoir, imaginez. Place à la sélection du jour. En janvier 1966, en Italie, Françoise Hardy participait au 16e festival

ville, que fréquentant un de mauvais gars. Et comme c'est au sommeil tranquille, oh, et y'en a qui se réveillent pas. Dis d'où que tu viens. D'où que je viens. Oui. Bon, ça te regarde pas. Comment ça me regarde pas? J'ai dit que ça te regarde pas. Et toi, t'as compris? Oh, puis ça va. Silence. Ah. Eh ben. Ça s'appelle au sommeil tranquille. On ne sait pas trop pourquoi. En 1975, la 20e édition du concours Eurovision de la chanson se déroulait en Suède, à Stockholm. 19 pays honoraient de leur présence cette grande manifestation, et le concours couronna cette année-là les Pays-Bas avec la chanson « Ding Dong » interprétée par Tachin. Sélectionnée en interne par TF1, la France était représentée par la chanson « Et bonjour à toi l'artiste » interprétée par Nicole Rieux. Une chanson écrite par Pierre Delanoë et composée par Jeff Parnell. Et bonjour à toi l'artiste, le grand auteur, le brillant illusionniste, le célèbre acteur, tu vas changer le monde, tu vas chanter pour nous faire oublier le passé. Résultat, médaille en chocolat, la France termine à la 4e place. Dommage, c'est bien quand même. Et bonjour à toi l'artiste, Nicole Rieux. Il est temps. en famille dans le Gers, l'artiste Valentin Vanderhagen a réuni 45 musiciens et chanteurs pour une reprise de La Tendresse, la célèbre chanson de Bourvil. Cette chanson était en évidence, elle parle de choses essentielles et communes à tout le monde. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines à ne rien faire, eh bien, on s'y fait. C'était l'occasion de montrer qu'on pouvait créer une œuvre collective malgré tout, alors qu'on est tous isolés dans nos petites bulles, un gros travail de puzzle, La Tendresse, interprétée par la Symphonie Confinée. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui n'approuve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en laissant. Vraiment, vraiment, vraiment, le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, long, long, long, le temps vous paraît long. L'abbiamo reso felice. Se marcia la tristezza al verlo assi vivere, ai Dio mio, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs, des torrents de tendresse. Né en Italie en 1922, Serge Reggiani vint en France à l'âge de 8 ans. Oh, en fait, ce fut un exil plus qu'un déménagement. Son père, antifasciste, notoire, fuyant son pays avec femme et enfants. Dans cette chanson, enregistrée en 1967, Serge Reggiani célèbre ce qui peut nous mettre en mouvement au long de notre vie, la liberté. Ma liberté, Serge Reggiani. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette. Tout le monde savait ça. Tout le monde savait ça. Il n'y avait que lui, le malheureux, qui ne savait pas. Il prenait le Mont Blanc pour Montmartre, et quand on lui demandait la couleur du cheval blanc d'Henri IV, tout bas, il se disait, mon Dieu, laquelle que c'est. Et puis il grandit, devint adulte et se maria. Une chanson de 1934. Tout le monde savait ça, Dréan. Être à la page, c'est ce qui compte aujourd'hui. Et c'est ce qui manque au meilleur de mes amis. Déjà au lycée, le pauvre garçon travaillait bien. Malgré ses efforts, il ne savait jamais rien. Il prenait le Mont Blanc pour Montmartre. Toujours il hésitait. Et quand on lui demandait la couleur du cheval blanc d'Henri IV, tout bas il se disait, mon Dieu, laquelle que c'est. Tout le monde savait ça. Il n'y avait que lui, le malheureux, qui ne savait pas. Et quand le professeur disait, voyons messieurs, qui d'entre vous maintenant le sait. Le petit Henri, le gros Louis, le môme Édouard, le grand Bernard, le petit Léon, le vieux Simon, tous à la fois levaient le doigt. Tout le monde savait ça. Il n'y avait que lui, le malheureux, qui ne savait pas. Il devint un homme et toujours ne sachant rien. Ça ne l'empêcha pas faire son bonhomme de chemin. Il devint amoureux et se maria sans retard. Ses amis lui dirent, ah mon cher, ce que t'es chansard. Ta petite femme est charmante et bien faite. Elle a des grains de beauté très gentiment placés. Sur la hanche, elle a des petites fossettes. Sur son petit estomac, une envie de chocolat. Tout le monde savait ça. Il n'y avait que lui, le malheureux, qui ne savait pas. Il dit, ça c'est intéressant, quel est celui qui peut me donner des renseignements? Le petit Henri, le gros Louis, le grand Bernard, le môme Édouard, le petit Léon, le vieux Simon, tous à la fois le vert, le droit. Tout le monde n'avait pas. Il n'y avait que lui, le malheureux, qui ne savait pas. Dans un grand palace, le soir, il la conduisit, disant « Je reviens, je raccompagne mes amis ». Au moment de rentrer, il oublia complètement le nom de l'hôtel, le numéro de l'appartement. Il chercha pendant une semaine, sans pouvoir la trouver et sans la dénicher. Il fouilla de l'étoile à la Madeleine, et c'était entre nous, pas difficile du tout. Tout le monde l'arrêta. Il n'y avait que lui, le malheureux, qui ne savait pas. Car ses amis bien plus malins avaient retenu le nom de l'hôtel et le chemin. Le petit Édouard vint le même soir, le grand Germain vint le lendemain, puis le jeudi, le vendredi, ils vinrent, je crois, tous à la fois. Tout le monde avait pas. Il n'y avait que lui, le malheureux, qui ne savait pas. Le groupe Léonie s'est entouré de plusieurs artistes comme Tips, Philippine, Léa Passy, Tom Fragère ou encore Barrymore. En pleine crise de pandémie de coronavirus, le titre est là pour remettre du baume au cœur à tous les Français qui se sentent prisonniers de leur quotidien en confinement. Chacun des artistes a écrit un couplet de la chanson. La chanson, elle s'appelle « Et toi ?» du groupe Léonie. J'essaie de taffer, j'essaie d'avancer, je fais au mieux. J'essaie de faire un point sur le monde comme si j'ouvrais les yeux. Je tourne en rond, meilleur moment pour réfléchir. Je pense à l'avenir, faudra s'aider pour s'en sortir. C'était pas prévu dans le plan. Pour moi qui t'ai toujours manqué de temps aujourd'hui. Même avec une heure de moins, les demain me paraissent toujours un peu plus loin. J'essaie de tuer le temps, j'ai retrouvé mes parents. Et je crois que le mot liberté, je le comprends mieux qu'avant. En espérant que tout ça nous serve de leçon. Je fais de la gratte et je pense à vous pour écrire des chansons. J'essaie de rester dans le coup, mais c'est pas facile. Je voudrais me lancer dans tout, mais c'est pas facile. Je veux faire les 400 coups, mais c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Et toi, bien sûr que dès qu'on pourra direct, on se reverra, mais. Ça attendra, attendra. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Et toi, bien sûr que dès qu'on pourra direct, on se reverra. Mais ça attendra, attendra. Et toi, et toi, et toi, et toi. Ça attendra, attendra. Et toi, et toi, et toi, et toi. Ça attendra, attendra. Et toi, et toi, et toi, et toi. Ça attendra, attendra. Et toi, et toi, et toi, et toi. Du temps en plus pour faire ce qui nous passe par la tête. En pyjama, faut faire la fête. Du temps en plus pour rêver d'un monde meilleur et de laisser parler nos cœurs. Par la fenêtre, je vois se marrer les oiseaux. Y'a plus de passants qui défilent, plus personne dans les bistrots. Et ça fait quelque chose de voir le monde sur pause. Je fais des rêves de thunes et d'eau salée. La nuit, je me laisse aller. On est seul, on doit s'y faire. Je vais retrouver ma terrasse comme je l'avais laissée. Rattraper le temps qui passe comme un imbécile. J'essaie de rester dans le coup, mais c'est pas facile. Je voudrais me lancer dans tout, mais c'est pas facile. Je veux faire les 400 coups, mais c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Et toi, bien sûr que dès qu'on pourra direct, on se reverra. Mais ça attendra, attendra. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Et toi, bien sûr que dès qu'on pourra direct, on se reverra. Mais ça attendra, attendra. Et toi, et toi, et toi, et toi, et ça attendra, attendra. Et toi, et toi, et toi, et toi, et ça attendra, attendra. Et toi, et toi, et toi, et toi, et ça attendra, attendra. Et toi, et toi, et toi, et toi, et ça attendra, attendra. Something to play out, waking up underground, storming the corners that way out. If the silence creeps in too quick, you gotta start singing along with it. Count Sorry and unlucky, we're fine with this. Put a big smile on, escape the world for a bit. Talk to yourself and talk to them. When you stop the game, you gotta play to the end. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Et toi, bien sûr que dès qu'on pourra direct, on se reverra, mais ça attendra, attendra. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Et toi, bien sûr que dès qu'on pourra direct, on se reverra, mais ça attendra, attendra. Et toi, ça attendra, attendra. Et toi, ça attendra, attendra. Et toi. Pour décerner le titre de roi des cloches, pour lui remettre la cloche d'airain, en réfléchissant bien, je n'en vois qu'un pour qui c'est dans la poche. Jean Ferrat a écrit cette chanson en 1970 et Félicien, le personnage évoqué, a réellement existé. Il vivait à Entraigues, en Ardèche, et fut son partenaire aux cartes. Sacré Félicien, Jean Ferrat. Chanson, dans l'ensemble. Toutes sont belles, mais enfin, pour nous, c'est la montagne. C'est une chanson d'ici, ça. C'est une chanson qui représente bien le pays. Il chante Sacré Félicien, là. C'est moi. Sachez qu'en mon pays, avec tous mes amis de veille et de bamboche, il faut se lever tôt pour avoir le droit au titre de roi des cloches. Boire et jouer pour deux, aimer à qui mieux traiter Dieu, le fantoche. En réfléchissant bien, je n'en vois guère aucun pour qui c'est dans la poche. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Ah oui, on jouait aux cartes souvent, hein. Presque deux ou trois fois par semaine. Tous les soirs au poker, paradis et enfer, mon cœur cesse de battre. Quand tremble sa casquette au regard qu'il me jette en abattant ses cartes. Si je sens aussitôt pousser sous mon chapeau des cornes qui se cachent, c'est qu'au jeu de poker, il dit qu'il vaut mieux faire le boucher que la vache. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Ah, il me l'avait pas demandé, mais moi, sa femme a dit qu'il faisait une chanson sur quelqu'un d'ici, mais elle n'avait jamais dit sur qui c'était. Au tendre jeu d'aimer, sa force est de flairer l'anguille sous la roche. Peu lui chaud tout à fait que la belle ait le nez en forme de galoche. Mais qu'un morceau de roi suivi d'un échalas, petit pas s'approche. Il me dit aussitôt, pas mon pauvre Jeannot, la tienne est plutôt moche. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Parce qu'en disant des bêtises, en jouant aux cartes, il les a additionnés et ça a fait une chanson. Quand on va braconner la truite et le gibier, je guette le gendarme. S'il est petit et gros, suant sur son chapeau, il me dit pas d'alarme. Te casse pas la tête, celui-là est si bête d'après ce qu'on raconte. Que même ses collègues qui ne sont pas des aigles ont pu s'en rendre compte. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Félicien et démasqué. Un titre mélancolique qui dévoile une vérité amère et qui met en exergue le fait que l'être humain ne se révèle pas à son prochain. Oh, l'authenticité n'est jamais absolue. Et Christophe Maé effectue un parallèle entre la vie de tous les jours, et le théâtre. Il fait cette allégorie en faisant rassembler les gens à des acteurs qui mettent constamment des masques afin de traduire leurs états d'âme. L'avis d'artiste, Christophe Mahé. Une scène, je fais mon cinéma. Je dis que tout baigne, même quand ça ne va pas. Il m'arrive même de pleurer dans mes bras, tard dans la nuit, pour que personne me voie. Non, ce n'est pas facile de vivre avec soi, de faire ce que les autres attendent de toi, de dire ça va toujours quand ça va toujours pas, de traîner ta peine et traîner ta joie. La vie est une scène, alors je fais le spectacle. Je dis que tout baigne malgré les obstacles. Maman me disait, vide pas trop ton sac. Petit, ne pas pleurer, c'est faire preuve de tact. Alors on sourit pour ne plus être triste. On peut se déguiser, on est tous des artistes. Alors on sourit pour ne plus être triste. On peut se déguiser. Des gens qui sourient trop souvent, ils cachent souvent une tristesse dedans. Moi je ferme le rideau comme on ferme les paupières, pour que personne ne voit ce qui se cache derrière. J'ai appris à passer du clown au gangsta, à filtrer mes pensées comme une photo Insta. Pourtant maman me disait, sois toi-même petit, car tu sais, tous les autres sont déjà pris. Alors on sourit. C'était en 2004, lors du Prime numéro 8 de la saison 4 de la Star Academy. Un grand moment. Un moment inoubliable où les chanteurs Oda et Grégory Lemarchal ont réussi une interprétation tout en puissance et en communion. Que sont-ils devenus ? Grégory Lemarchal nous a quittés pour tout jamais le temps à ville 2007, et Oda, depuis 2015, connaît de graves ennuis avec la justice. L'envie, Oda et Grégory Lemarchal. Comme dans l'obscurité, puis la lumière. Comme dans la fête, la soif, puis un feu. Comme enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie, enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme un an pour rêver à... Yeah. la solitude aussi pour que j'aime les gens. Oh, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sans vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié le rêve et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Qui avait un vie, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. La dernière chanson que j'ai prévue pour ce matin, c'est une chanson qui dure 5 minutes. Alors, je regarde Xavier, est-ce que nous avons la possibilité de passer 5 minutes ? Oui. Alors, le titre, 5 minutes avec toi, Amir. Je ne serai jamais le genre idéal, mais je ne suis pas de ceux qui se taillent. Pas de projet, pas de promesses, juste qu'on mette en commun nos caresses. Je suis pressé mais je prendrai le temps, si t'es contre moi je ferai tourner le vent. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais de me plaire tu es coupable. Pourquoi tu te prends pour le centre du monde? Franchement ne me dis pas que t'as pas une seconde. On se retrouvera puisque la terre est ronde. Allez, oh, je ne vais quand même pas me mettre à genoux. Avoue qu'il y a déjà un petit truc entre nous. On ne le voit pas, mais l'amour est partout. Traite-moi de fou, mais je donnerai presque tout. Avec toi, 5 minutes avec toi. T'en as marre de tous ces gars qui sont lourds. T'aimes pas les disquettes, encore moins les discours. Je ne ferai pas de commentaires. Invite-moi même si tu m'invites à me taire. Pourquoi tu ne me laisses pas l'ombre d'une chance? J'en connais qu'un, mais je peux te montrer mon pas de danse. Je trouve que t'exagères avec tes exigences. Allez, oh, je ne vais quand même pas me mettre à genoux. Avoue qu'il y a déjà un petit truc entre nous. On ne le voit pas, mais l'amour est partout. Traite-moi de fou, mais je donnerai presque tout. Avec toi, 4 minutes avec toi, 3 minutes, allez, 2 minutes, 1 minute,